Chibawe. Chibawe. Robert Boisa, Freddy Chibangu et Charlie Lunga. Okende ki mobe botika kengai moko na banai. Okende ki na lunga koluka la vie. Ata koutou ezala ki bon avenir ya manase la Christopher. Makani si manga mazala ki kika yo kente te. Odefriye kaka na moke oyo tozala ki kosuwae. Kasi yo pefera ki. Michel Moukassa. Les loyaux chants, ces sourires, yo, aux zongina, au mengo. Oh, ma, oui. Moula sambo, elle est qui sangona, yo, nozana, qui kosuate. Bangouna, ya, baningo, bako, tifiti, baloni, yo, baraka, bien, betolo. Kasapa. Kasoka, sala, kapasi, boye. Ya, mama, motema, mole, maki. Mavanga. Mesdames et messieurs, bien présents, sans pingomé.